Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nasalimia kila mmoja wenu mchina wa Yesu. Et en même temps, nous saluons les frères et les sœurs qui sont en ligne. Tunasalimia pia banduku na badada benyoka kule kumtandao. Que toutes les bénédictions du Seigneur Jésus-Christ. Ma baraka yote ya Bwana Yesu Kristo. Soit sur chacun de vous. Ipate kuwa yulu ya kila mmoja wenu. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Ésaïe 25. Isaïa sura ya 25. Dans son verset 1. Mstari yake ya kwanza. Et nous prendrons en même temps Ésaïe 46. Tutachugua pia Isaïa sura makumi ine. Dans son verset 9 à 11. Mstari yake ya kenda kufika na kumi na moja. Ésaïe 25. Isaïa sura makumi mbili na tano. Verset 1. Mstari ya kwanza. Et Ésaïe 46. Na Isaïa sura makumi ine na sita. Dans son verset 9 à 11. Mstari yake ya tisa kufika na kumi na moja. Notre Père Céleste. Baba yetu aliye juu mbinguni. Avec humilité, nous venons en ta présence. Na unyenyekevu wote tunakuja muwepo wako. Comme de vaut rien. Sawa batu basipo kuwa na bei. Comme des ignorants. Sawa batu bajinga basipo kujua kitu. Nous ne comptons que sur le Saint-Esprit. Si, tunatumainia tu yulu ya Roho Mtakatifu. Lui le véritable révélateur de ta parole. Yeye mwenye kuwa wakufunula kweli kweli neno lako. Cet après-midi descend, Seigneur. Ni mangaribi ushuke Bwana. Sur moi comme sur toute l'assemblée. Yulu yangu pamoja na yule ya makutano mzima. Élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Utunyanyule pali pa mbingu ndani ya Yesu Kristo. Et dévoile-nous tes plans. Na utufunulie mapu yako. Nous les connaîtrons, Seigneur. Tutaijua Bwana. Et nous y marcherons pour notre salut. Na tutatembelea mji ya wokovu wetu. Donne à chacun de nous un entendement meilleur. Upatie kila mmoja wetu usikilifu mzuri. Toute forme de distraction. Ondosha aina yote ya kulengama. Que l'attention soit soutenue aux paroles qui seront dites. Na angalisho yetu yangalie kwa maneno yatasemewa. Que nos cœurs soient disposés. Mioyo yetu iwe tayari. Pour recevoir une portion de ta part. Dia kupokea sehemu ya kutoka kwako. Béni chaque frère, chaque sœur. Ubariki kila ndugu na kila dada. Et ceux qui sont en ligne. Na wale wanatufuata kumtandao. Conduis-nous, Seigneur. Utuongoze Bwana. Béni la parole que nous allons lire. Ubariki neno ile tutasoma. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Ô Éternel. Ô Yehova. Tu es mon Dieu. Wewe ndiye Mungu wangu. Je t'exalterai. Nitakutukuza, nitakusifu. Je célébrerai ton nom. Na nitashangilia jina lako. Car tu as fait des choses merveilleuses. Kwani ulifanya vitu ya damani. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Makusudi yako ile ulitangulia kutunga ilitimilika katika uaminifu wayo. Car tu fais des choses merveilleuses. Kwani unafanya vitu vya damani. Tes desseins que tu avais conçus. Mapu yako ile ulitungaka. D'avance. Tangia zamani. Depuis l'éternité. Manake tangia umilele. Se sont fidèlement accomplis. Iritimilika na uaminifu wayo. C'est-à-dire, il n'y a rien que toi tu as conçu qui ne s'est pas accompli. Manake, hakuna kitu kile wewe ulitunga kiasipo kutimilika. Ésaïe 46. Isaïa sura makumi ine na sita. Verset 9. 9 à 11. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Kumbukeni ile ilifanyika wakati ya zamani. Car je suis Dieu. Kwani mimi ni Mungu. Et il n'y en a point d'autre. Na kuna mwingine tena. Je suis Dieu. Mimi niko Mungu. Et nul n'est semblable à moi. Na kuna wa kufananishwa na mie. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Nikuna tangaza tangia mwanjo ile napache kufika. Et depuis longtemps ce qui n'est pas encore accompli. Na tangia zamani ile yobalo kutimilika. Je dis. Nikuna sema. Mes arrêts subsisteront. Na mipango yangu ikuna dumu. Et j'exécuterai toute ma volonté. Na tatimiza mapenzi yangu yote. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Mimi njoni kunaita kwa asubuhi ndeke wa anga wakula. D'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Toka inchi ya mbali mtu juu ya kutimiza makusudi yangu. Je l'ai dit. Naliisema. Et je l'exécuterai. Na taitimiza. Je l'ai conçu. Naliitunga. Et je l'exécuterai. Na taitimiza. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Quand Dieu parle de cette manière, wakati Mungu yuko nasema muina muna, il prouve réellement qu'il est Dieu. Yuko nahakikisha ya kwamba kweli kweli yeye ndiye Mungu. Il est l'incomparable. Ana wa kufananisha na mwingine. Il parle de cette manière avec assurance. Anasema muina muna na hakikisho yote. Parce qu'il connaît toutes choses. Kwani anajua maneno yote. Il connaît toutes choses. Anajua vitu vyote. Parce que c'est lui qui les a conçus. Juu ni yeye ndio alibitunga. Et c'est lui qui a créé toutes choses. Na ni yeye aliumba vitu vyote. J'aime attirer votre attention. Mina penda kuvuta angalisho yenu wala usikilivu yenu. Que pendant cette période, ya kwamba mwi wakati, nous sommes dans l'éternité avec Dieu. Tuku katika umilele pamoja na Mungu. C'est-à-dire quoi? Manake nini? Nous traitons les choses qui se sont passées dans l'éternité et dans la pensée de Dieu. Tuku nasemezea yulu ya bitu vile vilifanyika katika umilele na ndani ya mawazo ya Mungu. Ces choses que Elohim lui-même avait conçues dans sa propre pensée. Ni bitu bile Elohim yeye mwenyewe alitungaka katika mawazo yake. Donc présentement, manake hapa sasa hapa, nous sommes dans l'éternité, tuko katika umilele, dans la pensée de Dieu, mu mawazo ya Mungu, nous voyons les choses comment ça s'est passé dans cette éternité. Tukunaona namna gani bitu bilifanyika mule mu milele. C'est pourquoi soyez très attentifs. Je commande muteke sikio kabisa. Hier, nous avons parlé surtout des caractéristiques. Jana tulisemezea yulu ya matabia des élus. Ya bateule que Dieu a appelé. Bale Mungu aliita. Des vainqueurs de chaque âge. Bashindaji ba kila kizazi. Ce peuple particulier. Ababatu ba upeke. Ces hommes et ces femmes particuliers. Mababa naume na banamuke ba upeke. Qui forment une race particulière pour Dieu. Benye kutunga kizazi kya upeke mbele ya Mungu. Nous avons dit. Tulimiambia. Que les élus forment une race particulière. Ya kwamba bateule bo banatunga kizazi kya upeke. Parce qu'ils ont un comportement extraordinaire. Juve kuna matendo wala matabia ya mastajabu. Ils ont un comportement particulier. Beko na matabia ya upeke. Ils ne peuvent jamais résister devant la volonté de Dieu. Abawezi kamwe kushindana mbele ya mapenzi ya Mungu. Ils n'ont aucune résistance devant la parole de Dieu. Bao abawezi kamwe kukangala wa kukataria neno la Mungu hapana. Car la parole de Dieu leur est exposée. Wakati neno la Mungu bana waambia hiyo. Lorsque la volonté de Dieu leur est révélée, wakati bana wafunulia mapenzi ya Mungu, sans résistance, bila kushindana, volontairement, kwa kusudi, kwa kipendaro, ils abandonnent leur propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Ya kufanya mapenzi ya Mungu. Ils sont caractérisés bana tambulikana par leur croyance kufuatana na kuamini kwabo en toute la parole de Dieu. Muneno la Mungu lote. Ils sont caractérisés bekona julikana par une foi parfaite kwa imani kamilifu dans ce que Dieu dit. Muile Mungu weko nasema. Ils sont caractérisés tabia yabo, par une obéissance totale utifu, à toute la parole de Dieu. Uneno la Mungu lote. Ils sont caractérisés tabajuia, par la mise en pratique, leur mise en pratique kutumikia, kwa de toute la parole uneno la Mungu lote, du Seigneur. Ya Bwana. Ils sont particuliers. Bao, ni ba upeke. Ils se distinguent beko na diachanisha par les exploits kupitia maajabu yabo. Ils sont capables beko na uwezo d'accomplir des actions ya kutimiza matendo qu'un homme ordinaire ne peut pas accomplir. Ile mtu wa kawaida hawezi kutimiza. Qu'un homme mortel ne peut pas accomplir. Ile mtu wa kufa hawezi kutimiza. À cause de leur courage, kwa ajili ya hodari yabo, qui va au-delà de l'ordinaire. Yenye kushindia ya kawaida. Voilà pourquoi on les appelle les héros. Ndio kwa maana wanawaita sema ni washujaa. Comme nous l'avons lu dans Psaume 89, verset 20, Dieu lui-même a dit, je viens au secours des héros. C'est vrai. Nous avons dit que cette grâce de Dieu, ya kwamba hii neema ya Mungu, que tout le monde est en train de chanter la grâce de Dieu, la grâce divine neema ya Mungu, est un secours ni musada, qui vient d'en haut. Ya kutokea, c'est un secours qui vient de Dieu. Ni musada ya kutokea kwa Mungu. Et le secours qui vient de Dieu ya kutokea kwa ne Mungu, vient que sur les héros. Iku na kwa nipaka yulu ya bashuja, pas sur les fainéants. Apana yulu ya batu basipa kufanya kitu. Pas sur les lâches. Apana yulu ya batu ya kuachiria bitu. Pas sur les péreux. Apana yulu ya batu ya boka. Les lâches, ce sont les gens sans courage. Batu basipa kwa na odari. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes sœurs. Ce courage qui se trouve dans les héros, ce n'est pas Dieu qui a donné ce courage, qui a mis ce courage dans ces hommes et ces femmes. L'Église est avec moi. Ce courage qu'on trouve dans les héros ne vient pas de Dieu. Aitoke kwa Mungu. Non. Apana. Sinon Dieu kama ina vile Mungu serait injuste. Angekuwa muzalimu. L'Église est avec moi. Kanisa mnafuata. Parce que ceux qui vont échouer diront Seigneur, Bwana, nous avons échoué parce que tu as donné le courage extraordinaire à Jonathan. Jurumpatia odari ya mastajabu Jonathan. Mais à Kanonga, lakini kwa Kanonga, tu ne vas pas donner le courage. Haukumpatia ile odari. Dès le départ, la manche tangia tu mwanjo safari était déséquilibré. Ah, haikwenda msingi. Tu as favorisé l'un. Uri itikia pamoja. Et tu as défavorisé l'autre. Na unakatala mengine. En quoi ils sont héros? Sasa ni vashujaa monini. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Dieu n'a pas fait cela. Mungu asikufanye vile. Non. Apana na apana. Dieu avait mis tout homme. Mungu na mwanamke. Na banamuke. Na banaume. Wote alibaweka mukipimo moya. Dio kwa maana wote aliwapachia uhuru ya kuchakula. Ni namna ya wewe kutumikia uhuru yako. Dio ile ambayo iko naleta achanisho entre bateule na wale ambao bana bateule. L'église est avec moi. Soyez attentif. Tout est que ce qui est. Un exemple terre à terre. Mufano mwa ya chini sana. Pour que chacun de vous comprenne. Jia kila mmoja wenu apate kuelewa. Lorsque tu as un champ. Wakati ile kuna mashamba. Où tu fais les champs. Wala huko nalima mashamba. Tu vas dans un village ou tu viens ici à la cité. Unaenda mukijiji wala unakuja mumbuti. J'ai besoin. Unasema mimi nahitaji. De 20 personnes pour m'aider. Batu makumi mawili. À travailler dans mon champ. Banisaidie kulima kutumika mashamba yangu. 20 personnes arrivent. Batu makumi mawili banafika. Pour faire ton champ, pour travailler dans ton champ. Ya kutumika mu mashamba yangu. Parmi tous ces 20 hommes, katikati ya wale watu makumi mawili, vous allez remarquer, utaona ya kwamba, qu'il y a des hommes et des femmes. Kutakuwa banaume na banamuke, dans ce groupe, mwile kundi ya watu, qui aiment ce travail, benye kupenda ile kazi, qui travaillent avec leur force, wale beko natumika na nguvu yabo yote, et qui sont très courageux, benye kuwa na odari, qui ne se plaignent pas, abadililie, ils n'ont pas de caprices, abanana mafieri, ils sont forts. Beko na nguvu. Et vous allez remarquer parmi vos travailleurs, na utafumbula katikati ya bafanya kazi yako bali, certains qui sont faibles. Bamoja nabo beko bazaifu. Ils fainéantent dans les champs. Au lieu de travailler, ce sont des bavards, ils racontent des histoires, ils font rire les gens, ils amènent de la distraction. Cela ne fait pas avancer ton activité. Vous voyez, même si vous leur coupez la les tâches, chacun a une tâche. L'un, dans une heure, ou dans 30 minutes, voilà, il a déjà terminé sa tâche. L'autre aussi, cette même tâche-là, il va les travailler pendant 2 jours. Lorsque tu engages tes gens dans ton champ, tu viens, tu leur donnes à manger. Tu leur donnes à égalité, tous, pamoja. Bwingi moya. Ces aliments que tu donnes à ces travailleurs, ça va donner à ceux qui ont la force afin qu'ils puissent continuer à avoir la force. Mais les faibles, ils vont manger, mais ils ne peuvent pas s'égaler de ceux qui sont forts. Quand tu observes que mon chambre est italala, lorsque tu observes que ton champ va risque de traîner, va le botte va vivre. Tous ces fainéants. Naba kulalala umituta. Et ceux qui ne font que dormir. Naba penda ba kupenda kusemasema kaji abatumike. Les gens qui aiment bavarder mais qui n'aiment pas travailler. Utebato shakaji. Va les démettre de leurs fonctions. Vous voyez? Ona. Mweye amutatumika mashamba yangu parce que amuna na nguvu. Vous n'allez pas continuer à travailler dans mon champ. Aba ba nguvu batabakia kutumika mu mashamba. C'est seulement les forts qui vont rester continuer à travailler. Na unebapatia byakuria. Et tu vas leur donner à manger. Ni jui basaidie. Ba atteindre objectif banisha kujasinyer. Bafikie kukifugu. Ana we mwenye mashamba unebapatia nguvu. Ce n'est pas toi le problème. Nguvu déjà kila muntu na kila mulimaji eko nayo. A déjà sa force à lui. L'église est avec moi. Un exemple terre à terre. C'est vrai, frère. C'est de ce que nous avons dit. Un héros est une personne qui se distingue par ses exploits ou son courage extraordinaire. C'est vrai, frère. Il a un dévouement total à une cause. Il est capable de s'exposer à un grand péril. Il est prêt à se livrer même à la mort à cause de son attachement à quelqu'un ou à une cause. C'est vrai. Il est un homme de caractère. Nimutu wa tabia. Il se distingue. Nimwenye kujachanisha. Par la force du caractère. Kupitia nguvu yake ya tabia yake. Par la grandeur de son âme. Kupitia kwa bunene ya nafsi. Par une autre vertu qu'il a. Kupitia uwezo ya yulu ile konayo. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est pourquoi nous avons dit. Zokambana tulimiambia. Quand un héros se décide. Wakati mshujaa anachukua mpango. De faire quelque chose. Ya kufanya kitu. Il ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Non. Hawezi kukisimamisha katikati ya njia hapana. Il ira jusqu'au bout. Ataenda kufika na rien ne peut le décourager. Hakuna kitu cha kumlekesha. Il faut qu'il atteigne l'objectif. Inapasha afikie ukifuguzio. Et il sera satisfait. Na pale njoo atatosheka. C'est vrai. Ni kweli. Il est comme un lion. Eko sawa simba. La Bible le dit. Biblia inaisema. Dans Proverbe 30:30. Mezali makumi tatu. Proverbe. Mezali. Chapitre 30. Sura makumi tatu. Verset 30. Mustari ya makumi tatu. L'Écriture dit. Andiko inasema. Les lions. Simba. L'héros des animaux. Mshuja wa banyama. Ne reculant devant qui que ce soit. Awezi rudia nyuma mbele ya izuru nani. Les lions comme héros. Simba sawa mshuja. Il n'y a rien qui peut le faire reculer dans sa décision. Hakuna kitu kile kitamrudisha nyuma mpango yake. C'est vrai. Ni kweli. C'est les caractéristiques Injo tabia des héros, yaba shuja, des vainqueurs, yaba shindaji, des élus, yaba teule. Dieu Mungu n'aime pas les péreux. Apenda ke batu baboka. Ne travaille pas avec les péreux. Atumika ke na batu ya boga. Dieu ne travaille pas avec les lâches. Mungu atumika ke na batu ba kuachilia bitu. Les gens qui manquent du courage. Batu basipokuwa na udari. Dieu ne les aime pas. Mungu asibapende. Dieu n'aime pas les fainéants. Mungu apendake ba vivu. Les gens qui ne veulent pas travailler. Batu bala bapende kutumika. Ou qui évitent. Wala benye kuepuka. De fournir un effort. Bashitowe nguvu yabo. C'est vrai. Ni kweli. Un fainéant. Muvivu. Ne veut pas travailler. Apendake kutumika. Ne veut pas faire des sacrifices, ne veut pas fournir des efforts. Si vous ne retenez pas ça, vous ne comprendrez pas. De paresseux, Dieu ne veut pas ces gens. Avant qu'on parle de l'élection, retenez ça. Alors vous comprendrez pourquoi Dieu a élu. Mutaelewa juu ya nini Mungu alichagua? Aili de gens. Alichagua watu, aliita watu. Alichagua watu. Suivez-moi bien. Mnifuate mzuri. Pour bien comprendre. Juu ya kuelewa mzuri. Le plan du salut. Mapu ya wokovu. L'élection. Kuchaguliwa. Et la prédestination, na kutanguliwa kuwekwa, nous devons évoquer plusieurs choses, tunawezi kuleta mifano mingi, qui sont liées à l'élection et à la prédestination, yenye kuambatanishwa na kuchaguliwa na kutanguliwa kuwekwa, pour éclairer notre foi, jia kuangazia imani yetu. En parlant de l'élection, il y a différentes choses qu'il ne faut jamais confondre, qui sont liées au choix et au salut ou au plan du salut conçu par Dieu depuis l'éternité. Quelles sont ces choses? Prenez un bic. Chacun de vous prenez un bic. Tutasema hapa sasa, tutataya hapa sasa. Que nous allons énumérer tout de suite. Apana kubivuruka. Il ne faut pas les confondre. Il ne faut pas les confondre. Aipashi kubivuruka. Ataka mungu nebisoma ndani ya Biblia. Même si vous les lisez dans la Bible. Ataka nebisoma ndani ya message. Même si vous les lisez dans les messages. Apana kubivuruka. Il ne faut jamais les confondre. Sinon wewe mwenyewe utakuwa mu confusion. Sinon toi-même utakuwa katika na mvuruko. Utamini mafundisho ya bongo. Et tu croiras à la na wokovu ya kweli hautayonaka. Et tu n'auras jamais le véritable salut. Ni bintu kani. C'est quelque chose. Aifai kuvuruka. C'est quelque chose qui faut pas. Tuelewe mzuri élection ya Mungu. Comprenne correctement. Na prédestination ya Mungu. La prédestination de Dieu. Na plan ya Mungu. Ile alitunga juu ya kutuokoa. Il a conçu pour nous sauver. Ah, première chose. Kitu kya kwanza? La pensée de Dieu. OK. Très bien. Mawazo ya Mungu. Que les techniciens alors soient prêts. Fundi yawe tayari. Un, c'est la pensée de Dieu. Kya kwanza ni mawazo ya Mungu. Soyez rapide. Mwe haraka. Deux, c'est la préscience de Dieu. Kya pili ni kutangulia kujua kwa Mungu. Trois, c'est la volonté de Dieu. Kya tatu ni mapenzi ya Mungu. Essayez de retarder pour que les gens écrivent. Ne soyez pas en avance. Usubiri kwanza watu waandike usiwe haraka. Retourne deux pour que les gens écrivent. Urudie kwanza mumbili juu watu waandike. Les autres peuvent copier sur l'écran du dessus. Bengine banaweza kuangalia ku televisheni ya juu. Un, la pensée de Dieu. Ya kwanza ni mawazo ya Mungu. Deux, la préscience de Dieu. Tout comme école du dimanche. Je vais parler aujourd'hui lentement. Kujua kwa Mungu, kutangulia kujua kwa Mungu, tasema pole pole. La présence de Dieu. Kutangulia kujua kwa Mungu. Trois, la volonté de Dieu. Tu restes là sur la volonté de Dieu. Kia tatu ni mapenzi ya Mungu, simamie kwanza pale. La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Laquelle qui manifeste. Ile kunaonesha. L'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu. Envers les hommes. Mbele ya watu. La volonté parfaite de Dieu, comme nous l'avons montré, mapenzi kamilifu ya Mungu vile tulionesha, révèle l'amour parfait de Dieu. Ikunafunua mapenzi kamilifu ya Mungu, mapendo kamilifu ya Mungu mbele ya watu. Quatre, les conseils de sa volonté. Ya ine, shauri ya mapenzi ya Mungu. Les conseils de sa volonté, shauri ya mapenzi ya Mungu, dans les conseils de la volonté de Dieu, dani ya shauri ya vous notez, ya je vais Mungu, tout expliquer, par la grâce du Seigneur. Yote kwa nema Mungu. Dans les conseils de la volonté de Dieu, mule mushauri ya mapenzi ya Mungu, nous y trouvons tukunapatamo la sagesse yekima et l'intelligence divine. Na akili ya Mungu. Je ne suis pas sur le point 5, je suis sur le point 4. Ningariki panukta ya ine. Retournez sur le point 4. Avant d'aller plus loin, il faut que je... Il y a des choses que je dise, que je dois dire là-dessus. C'est moi qui prêche, je t'ai donné ça pour aider l'Église. Mais ne sois pas, ne me précède pas. Reste sur la volonté de Dieu. Quand je vais sur notre point, vous projetez ces points-là. Je disais ceci. Numéro 4, je suis au point 4. Le conseil de sa volonté. Shauri ya mapenzi ya Mungu. Ou en d'autres termes, munamna ingine ya kusema, le conseil de la volonté de Dieu. Shauri ya mapenzi ya Mungu. Qui a conseillé la volonté de Dieu? Ni nani ula rishauria mapenzi ya Mungu? C'est dans les conseils de sa volonté que nous trouvons la sagesse et l'intelligence divine pour exécuter tout ce que Dieu avait conçu. C'est dans le conseil de sa volonté nindani ya shauri ya mapenzi ya Mungu qu'on retrouve la sagesse et l'intelligence de Dieu jomule munapatikana hekima na akili ya Mungu qui ont beaucoup aidé Dieu ile ilimsaidia sana Mungu qui ont beaucoup aidé Elohim ilimsaidia sana Elohim dans l'exécution de sa volonté. Mukutimiza kwa mapenzi yake. Dans l'exécution de ses plans. Mukutimiza kwa mapu yake. C'est vrai. Ni kweli. 5. Tano. L'élection de Dieu. Kuchakua kwa Mungu. J'aimerais que vous notiez ceci. Ninapenda mushike hii. L'élection de Dieu. Kuchagua kwa Mungu. Est basé sur sa prescience. Unayengwa yulu ya kutangulia kujua kwake. Et sur le conseil de sa volonté. Na yulu ya sheria, shauri ya mapenzi yake. Et non sur la volonté de Dieu. Apana yulu ya mapenzi ya Mungu. Dieu n'a pas basé l'élection des gens Mungu ashikuchague watu sur sa propre volonté. Kufuatana na mapenzi yake mwenyewe hapana. Non. Hapana. L'élection des élus kuchagua kwa bateule est basé sur les conseils de sa volonté. Uko yulu ya shauri inayengwa. Inayengwa yulu ya shauri ya Mungu. Et sur la prescience. Na yulu ya kutangulia la prescience. Ni kutangulia kujua kwa Mungu. Et le conseil de sa volonté. Na shauri ya mapenzi ya Mungu. Qui ont aidé Dieu. Ndio ilimsaidia Mungu. À faire son élection. Apate kuchagua. Dieu Mungu n'a jamais élu les gens sur base de sa volonté. Parce que la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé. Et pourtant aujourd'hui, il y a ceux qui seront sauvés et ceux qui seront perdus. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Non. C'est selon sa préscience. Et selon le conseil de sa volonté. Na kufuatana na shauri ya mapenzi yake. Tutamifatilia. Ya sita. Il y a le dessein kuko makusudi de l'élection de Dieu. Ya kuchagua kwa Mungu. Le dessein de l'élection de Dieu, c'est quoi? Makusudi ya kuchagua kwa Mungu ni nini? C'est l'objectif pour lequel nikifuguzie juu yake. Dieu a élu les gens. Mungu alichagua watu. S'il y a des élus, kama kuku batele, il y a un objectif. Manake kuku kifuguzio. On n'a pas seulement élu les gens comme ça. Ama kuchagua tu batu hivi ovyo ovyo. Hapana. Hapana mtu kumpendwa. Il y a un but pour lequel kuko kifuguzio, ils ont été élus. Kinyewe kilifanshisha barba chabuwe. Il doit y avoir un but. Unapaswa kuwe kifuguzio. Pour lesquels les buts atteindre, kifuguzio kia kupata, pour lesquels les élus, Dieu a ikile, bateule, barichaguliwa. Il y a un objectif. Kuko kifuguzio kile Mungu alikuwa anatafuta. C'est ça le dessein. Njoo makusudi. De l'élection de Dieu. Ya kuchagua kwa Mungu. Sept, la souveraineté de Dieu. Saba, utawala wa Mungu. La souveraineté de Dieu. Utawala wala mkubwa wa Mungu. Que nous appelons en d'autres termes. La libre détermination de Dieu. Uhuru ya mipango ya Mungu. Voyez, munaona, c'est le sommet. Manake njo mwisho. La souveraineté. Utawala ya Mungu. C'est vrai. Ni kweli. Nous allons expliquer ça. Tutaifasilia. Huitièmement. Mnane. La prédestination. Kutanguliwa kuwekwa. La prédestination. Kutangulia kuwekwa. Neuf. Tisa. La destination. Manake mwisho. Ah, kule mtu atafiki. Kule mtu ataishia. Mwisho la ya mtu. La destination. Mwisho. Mwisho. Voilà. La destination. Mwisho. Dix. Kumi. La résolution. Mipango. De sa volonté. Ya mapenzi yake. La résolution. Mpango. Il faut corriger la résolution, pas avec des œufs. La résolution. Enlever un E. La 10, c'est la résolution de sa volonté. Corrigez Mpango cela. Ya mapenzi ya Mungu. La résolution. Mipango. Ah ok, c'est bien. C'est maintenant correct. La résolution de la volonté de Dieu. Mipango ya mapenzi ya Mungu. Intervient. Ikuna saidia. Après la délibération. Kisha kuchugua mipango. Dans le conseil de la volonté de Dieu, on va expliquer dani ça. Dani ya shauri ya Mungu. Il y a eu un conseil. Ulikuwa kwanza shauri. Et nous verrons qui ont conseillé Dieu. Na tutaona ni wanani walimshauria Mungu. Qui ont conseillé sa volonté. Ni wanani walishauria mapenzi yake. Pour que Dieu délibère. Dieu Mungu achugue mpango. Pour qu'il y ait délibération. Dieu Mungu apate kuchagua. De ceux qui sont élus pour le salut. Ya wale wenye kuchaguliwa juu ya wokovu. Des vainqueurs, des héros. Bakuwe bashujaa wala bashujaa. Et de ceux qui sont seulement appelés. Na wengine babakia tu wenye kuitiwa. Et de ceux qui sont perdus. Na wengine wenye kupotea. C'est vrai. Ni kweli. 11. L'exécution. Kumina moja kutimiza. De sa volonté. Kwa mapenzi yake. L'exécution. Kutimiza. Ou la réalisation. Kutimiza. De sa volonté. Kwa mapenzi yake. 12. Kuminambili. Le mystère de sa volonté. Siri ya mapenzi yake. 12. Vous êtes à 13. 12. Kuminambili. Le mystère de sa volonté. Retournez 12. Kuminambili. Siri ya mapenzi yake. 12, c'est le mystère de sa volonté. Kuminambili ni siri. Ni siri ya mapenzi yake. Ya mapenzi yake. C'est 12. Ni kuminambili. 13. Kuminatatu. La révélation. Funuo. De la connaissance wa ufahamu, du mystère ya siri, de sa volonté. Ya mapenzi yake. C'est vrai. Ni kweli. La révélation ufunua, de la connaissance wa ufahamu, du mystère de sa volonté wa siri ya mapenzi yake, se révèle ikuna jifunua, dans les Écritures. Dani ya maandiko. Par les écrits des prophètes. Kupitia maandiko ya manabii. C'est par les écrits des prophètes. Ni kupitia maandiko ya manabii. Et des apôtres. Na ya mitume. que la révélation du mystère de sa volonté nous est donnée. On va expliquer cela. La révélation de la connaissance du mystère de sa volonté. Et la révélation, notez cela, vous qui écrivez, la révélation de la connaissance du mystère de sa volonté nous est manifestée, nous est dévoilée dans les Écritures ou par les écrits des prophètes et des apôtres. Comment Dieu nous révèle sa volonté? Si tu n'as dit à Dieu, il y a tout le monde qui nous fournit sa vie. Comment est-ce que nous les avons su? Parce que ce sont des mystères. Ni ma Syrie. Ce sont des mystères. Des choses qui sont cachées. C'est Dieu qui les a cachées. C'est vrai, frère. Ni quoi, 14. L'accomplissement de la volonté de Dieu ou des desseins de Dieu. Maintenant, l'accomplissement de sa volonté, de la volonté de Dieu, comment elle s'accomplit, comment la volonté de Dieu s'accomplit sur la terre et dans les croyants. Cette volonté, il est ma pensée. Qu'il avait manifesté depuis l'éternité. Ce plan-là qu'il avait conçu depuis l'éternité. Ce plan-là qu'il avait caché dans les écrits. Comment ça va s'accomplir sur la terre? Et comment cela ça va s'accomplir dans l'homme? Et la 15e chose, c'est le libre arbitre de l'homme. Ni kuchakula kwa uhuru ya mtu, uhuru ya kuchagua ya mtu. Libre arbitre, uhuru ya kuchagua, arbitre de l'homme ya mtu. Mes filles ont écrit arbitre, c'est arbitre, arbitre, et non arbitre. Ni uhuru ya kuchagua. Quinzièmement, c'est le libre arbitre de l'homme. Ni uhuru ya kuchagua ya mtu. Vous avez tout noté? Munaandika yote. Est-ce que vous qui notez, vous avez déjà noté? Mwenye kuandika mshamaliza. Tena. Sasa. Notez encore. Muandike tena. Dit numéro 1. Tangia namba ya kwanza. Jusqu'au numéro 15. Kufika na namba ya 15. De la pensée de Dieu. Tangia wazo ya Mungu. Jusqu'au libre arbitre de l'homme. Kufika na kuhuru ya kuchagua ya mtu. Forme ce que nous appelons. Inatunga ile tu kunaita. Le mystère. Siri. De la volonté de Dieu. Siri ya mapenzi ya Mungu. Le mystère de la volonté de Dieu siri ya mapenzi ya Mungu est formé de ces 15 points inatungwa na hii manukta 15 que nous venons d'énumérer. Ile tunatoka mukutaya. Dans la volonté de Dieu, ndani ya mapenzi ya Mungu, il y a des mystères. Muko masiri. Muko bintu, il y a des choses bilikuwa bya kufuchama, qui étaient cachées, qui sont des mystères. Bile ambao, lesquels, hakuna mtu hata moya, il y a personne, aliyua, qui les connaissait, inje ya Mungu ye mwenyewe, en dehors de Dieu lui-même. Ni Mungu ye peke, parce que c'est Dieu lui-même Jo Arbitunga, il les a conçus. Bila mtu hata moya hata malaika kuyako, sans qu'il y ait personne. Ce sont des mystères. Ni masiri. Ibya kufuchama. Ce sont des choses cachées. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est pourquoi vous voyez l'écriture dit. Je comprends, mon on a dit que nous nous allons lire ces écritures. Hakuna mtu. Il n'y a personne. Atawezi kujua byenye kufuchama ndani ya mtu. Il peut connaître des choses cachées. Kama ana mtu ye mwenyewe. Si ce n'est pas Dieu lui-même. Il connaît cette écriture. L'écriture que je viens de bouquer. Un frère. Ndukumoy. Deux frères. Bawili. Batatu. Quatre. Ine. Nana i anjiko minato. Cinq. Bawili pan. Six. Sita. I anjiko minato évoquer. L'écriture que je viens d'évoquer. Hakuna muntu. Il n'y a personne. Atawezi kujua bile vinafutama muro ya muntu. Les choses cachées dans une personne. Kama aina muntu ye mwenyewe. Ce n'est pas l'homme lui-même. Na hakuna muntu atawezi kujua vyenye kufuchama muro ya Mungu kama ana Mungu yepeki. Si ce n'est que Dieu lui-même. Pa kujua bile miko na wazi. Pour connaître ce que je pense. Il faut que moi-même ni kufununie. Je puisse te le révéler. Pa we, pa mi kujua bile we. Pour que je puisse connaître waza, ce que tu penses, il faut, weye, il faut que toi-même unifununie. Tu me le révèles. Ule anayua, celui qui connaît masiri yenye kufuchama ndani ya bantu, le mystère caché dans ni les paka Mungu. C'est seulement Dieu lui-même. Na Mungu atawezi kuifununa, et Dieu peut le révéler kwa njia ya zawadi, à travers les dons. Voyez. Munaona. Un don de discernement. Zawadi ya kutambua ma wazo ya watu. Un don de discernement des esprits. Zawadi ya kutambua maro. Ni kipande ya Mungu. C'est une portion de Dieu. Mungu anaweka ndani ya mtu ni kipaji Mungu anaweka ndani ya mtu. C'est un don que Dieu peut placer dans un homme. Kazi yake kwa njia ya Roho Mtakatifu na kwa njia ya neno anayua kudiferencier ma esprit ya bongo na ma esprit ya kweli. Na atawezi kujua bila wewe uko na waza aina mtu hapana. C'est le Saint-Esprit ni Roho Mtakatifu eko na mwangazia. Le Saint-Esprit, il est clair, ni Rome Takatifu. Cet homme qui a des yeux ya kuona vile Mungu eko naona. De voir ce que Dieu voit. Vous voyez? Unaona? Ule muntu wa zawadi. Cet homme qui a les dons. Anashimama hivi mina shimama. Unaona hivi vile ka? Tel que je suis la voie. Écrivez. Mwandike. Nani? Projetez dans la salle n'importe qui. Moneshe mutu ote. Projetez. C'est technicien. Projetez les gens. Wafundi. Moneshe mutu tufulani. Projetez les. Watu. Okay. Regarde. Tazameni. Kama wanaweka pazia huku, wanajibiria kule. Les voiles ici. Moi seul, je vois l'écran. Mi peke yangu naona ile television. Mina sema. Je dis. Mina ona. Je vois. Je vois la fille de. Ana voila en grande et rouge. Habillée en robe rouge. Ya noir, ya noir. Et avec une veste noire. Vous voyez? Munaona? Sasa kama mwe amuna na écran muone. Mais si vous n'avez pas l'écran et que vous ne voyez pas. Vous allez dire comment est-ce qu'il les voit? C'est ce que Dieu fait. Dieu qui les mungwe qu'on a foi. Il met son écran. Anaweka television yake. Un serviteur de Dieu, bele un prophète, wa Mungu wa celui nabi, qui a les dons, ule mwenye kwa na zawadi ya kuona, et il lit, et qu'on a soma, minaona Anna, je vois Anne, Anna voilà, body, ya rouge, sa rouge, sa mwe, sa ya mwe upe, habillé, na kikwembe ki a bleu, vous voyez, en robe rouge, mais moi, yone, vous ne le voyez pas, mais moi avec les dons, miye na zawadi ya Mungu, ni kuna isoma, aina mi, miko naona ni Mungu yako ananionyesha vile yeye aliona. Il me montre ce qu'il a vu. Unaona mtu kumpenda. Kama ulisharatika. Si tu as commis adultère. Dieu me montre. Mungu ananionyesha hiyo. Ulienda kulikasi. Tu es allé à Likasi. Unafia pa Bakatel. Arrivé à Bakatel. Unafia kwa nyumba fulani. Tu es entré dans une chambre. Marido ilikuwa ya rouge. Yale de rideau rouge. Kitanda. Le lit. Ilikuwa ya noir. Qui était. Madra ilikuwa. Avec des lits de bleu. Unaona. Tu vois. Il montre ça en vision. Ananionyesha muono. Et à ce moment-là, on peut connaître. Mwile wakati unaweza kujua. Ce qui se trouve dans l'homme. Yenye kupatikana ndani. Il est mambo ingine. Ça c'est une autre affaire. Mambo ingine. C'est une autre affaire. Il est Bible ikonaita. C'est que la Bible appelle. Siri. Les mystères. Ya mapenzi ya Mungu. La volonté de Dieu. Ni 15 points. Ni manuk ta. Tu n'as pas pu énumérer. Et nous venons ya kutaya. Deuxièmement. Kiapili. Notez cela. Muyandike. Dieu accomplit. Mungu yako natimiza. Tous ses plans. Imapu yake yote. C'est sur base. Ni kufuatana. Du conseil de sa volonté. Na shauri ya mapenzi yake. Et sur. Na yulu. Le dessein de son élection. Yulu ya makusudi ya kuchagua kwake. Deuxièmement. Kapiri. Dieu. Mungu. Accomplit tous les plans, tous les projets qu'il a conçus, c'est sur base du conseil de sa volonté et sur base du dessein de son élection. Troisièmement, c'est dans le conseil de sa volonté. Ndani ya shauri ya mapenzi yake. C'est le conseil de sa volonté. Ni shauri ya mapenzi yake. Qui nous révèle. Jo ile kuna tufunulia. La connaissance. Ufahamu. Ou qui nous donne la connaissance. Wala inatujulisha. Du mystère. Siri. Du plan du salut. Ya mapu ya okovu. C'est le conseil de sa volonté. Ni shauri ya mapenzi ya Mungu. Qui nous révèle. Jo iku natufunulia. La connaissance. Ufahamu. Du mystère. Ya siri. Du plan du salut. Ya mapu ya okovu. On va expliquer. Tutaifasilia. Écrivez un peu. Mwandike kwanza. Ephésiens chapitre 1. Wa Efeso sura ya kwanza. Versets 9 jusqu'à 11. Mustari ya 9 hadi 11. Et nous prendrons 17 à 19. Tutachukua tena 17 kufika na 18 na 9. Ephésiens 1. Wa Efeso sura ya kwanza. Verset 9. Mustari ya 9 jusqu'à 11. Hadi 11. Et nous prendrons le verset 17. Tutachukua tena mstari 17 jusqu'au verset 19. Hadi 19. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Alitujulisha siri ya mapenzi yake. Selon les bienveillants. Kufuatana na vizuri. De ce qu'il avait formé en lui-même. Ya bile alitunga ndani yake mwenyewe. Pour le mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous aussi, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant les plans de celui qui opère toutes choses. Il opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. L'Église est avec moi. Il opère toutes choses. C'est d'après les conseils de sa volonté. Vous voyez, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, ili Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, le Père de gloire, Baba wa utukufu, vous donne un esprit de sagesse amipatie roho ya hekima, et de révélation na ya ufunuo, dans sa connaissance. Dani ya ufamu wake, qu'illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Voyez, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Vous voyez, Il faut que Dieu inapasa Mungu qui accomplit toutes choses, mwenye kutimiza maneno yote, qui opère toutes choses, mwenye kutenda byote, eko natumika makazi yote, mwenye kutumika makazi yote, d'après les conseils, kufuatana na shauri, de sa volonté, ya mapenzi yake, il faut que lui inapashi yeye nous donne un esprit de sagesse, atupatie roho ya hekima, des révélations, ya ufunuo, dans sa connaissance, ndani ya ufahamu wake, aina mo connaissance yetu, ce n'est pas notre connaissance, aina mo connaissance ya kanisa, ce n'est pas la connaissance, mais dans sa connaissance, lakini ufahamu yake, équilibre, apate kuangazia, angazie, angazie nos yeux, macho yetu, de cœur, ya moyo, pour comprendre ce mystère, pour comprendre ce mystère, il faut que nos cœurs, que les yeux de nos cœurs soient illuminés. Les yeux de nos cœurs seront illuminés par qui? C'est par le Saint-Esprit. Voyez? Voilà pourquoi je fais une parenthèse. Nous devons naître de nouveau. Jésus-Christ a dit à Nicodème, si tu n'es de, tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas comprendre le royaume de Dieu. Vous voyez bien, mes frères? Regardez après la résurrection de Jésus. La Bible dit dans Luc, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Qui connaît les Écritures? Ça va. Luc 24. Moi, je ma Bible. Il faut lire la Bible. Là, nous montons des chelons. Ce n'est pas du lait, ça. Aina maziwa. Voyez bien, mes frères. Il faut que Rome takatifu, il faut que le Saint-Esprit engagie illuminé, macho yamaro yetu, les yeux de nos cœurs, voyez, juste pas de kujua, que nous puissions comprendre, utajiri la richesse ya utukufu de sa gloire na ya urithi yake et de son héritage. Voyez bien, mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Oui, bien, mes sœurs. Regardez dans Romains chapitre 6. On va revenir sur ces écritures. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, verset 11. Romains 9, verset 11. Nous lisons quoi? Il est dit, car en parlant d'Isaac et d'Ésaü, car les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste. Ili makusudi ya kuchagua kwa Mungu pate kudumu. Afin que le dessein de l'élection de Dieu existe. Ili makusudi ya kuchagua kwa Mungu pate kudumu. Sans dépend des œuvres. Bila kuangalia kumatendo. Et par la seule volonté. Na kupitia mapenzi yayo tu. De celui qui appelle. Ya ule konaita. On va expliquer ça. Tutaifasilia. Voyez bien, mes frères. Unaona ndugu mpendwa. En parlant d'Ésaü et de Jacob. Na Yakobo. Parce que Dieu a dit, wani Mungu alisema, j'aime Jacob, mina penda Yakobo, et j'ai haï Ésaü. Et pourtant les deux bawili, n'avaient pas fait aucune œuvre qu'on pouvait apprécier. Mais pourquoi Dieu l'a choisi? Nini Mungu Dieu avait vu Mungu dans la préscience. voyez, unaona, il avait vu dans la présence, dans la présence, dans sa présence, alitangulia kuona, mkutangulia kuona, que Esaü serait un profane, atakuwa mujinga, bien qu'il entrait avec les droits de naissance. Vila tazaliwa na halali ya Dieu ne lui a pas privé les droits de naissance. Mungu asikumkatalie, Dieu lui a donné les droits de naissance. Alimpatia halali ya kwanza. Mais il a exercé mal son libre arbitre sur les droits de naissance qu'il avait. Uhuru ya kuchagua, et il a perdu le droit de naissance devant Dieu. Ya halali ya kuzaliwa wa kwanza, lakini alipoteza mbele. C'est le pas Dieu qui a dit. Aina Mungu alisema. Face à les droits de naissance. Halali ya kuzaliwa wa kwanza. Mais moi j'ai choisi seulement. Lakini mimi Jacob. Na chagua tu Jacob, hapana. Il y a des choses que Jacob a fait. Huku vitu bile Jacob alifanya. Qui a permis à Dieu de l'aimer. Bile vilimruhusu Mungu amupende. Qui ont poussé Dieu d'aimer Jacob. Bile vilimsukuma Mungu amupende Jacob. Jacob n'était pas bon. Asikuwe mwema. Jacob était un menteur. Jacob alikuwa mdanganyifu. Jacob était un voleur. Alikuwa mwizi. Mais Esaü était un homme correct. Alikuwa mtu wa kunyoloka. Qui est qui s'occupait de ses parents. Anahangaikia wazazi yake. Voyez. Unaona. Mais un profane. Lakini alikuwa mjinga. Un profane. Mujinga, qui ne comprenait pas la valeur du droit de naissance. Voyez bien mes frères. Et Dieu dit, na Mungu anasema, selon les desseins de l'élection de Dieu, ya pour que les desseins de l'élection de Dieu s'existent, ya Mungu ipate kutimilika, vous voyez, unaona, et pour accomplir la volonté, na juu ya kutimiza mapenzi, parce que qu'est-ce que Dieu fait dans sa volonté, Mungu anafanya nini mapenzi, après que les conseils. Après que le conseil de sa volonté est délibéré, kisha shauri ya mapenzi yake kuchukua mpango, alors Dieu dit, hasa Mungu anasema, kama unanipenda, si tu m'aimes, na mimi nakupenda, moi aussi je t'aime, kama unanipenda kipande, tu m'aimes à moitié, na mimi nakupenda kipande, moi aussi je vais t'aimer à moitié, kama unanikatala, si tu me refuses, na mimi nakukatala, moi aussi je te refuse. Parce que Dieu ne peut pas agir en dictateur contre la volonté de quelqu'un. Il est comparé au Katala. Il nous a créé des petits dieux pour être libres. Voyez bien, mes frères. C'est ce que toi tu fais avec ta liberté. Unampenda Mungu kiloko. Tu l'aimes Dieu en partie. Aya nakupenda kiloko. Dieu aussi t'aimera en partie. Unapenda na Mungu na roho yako yote. Tu l'aimes Dieu de tout ton cœur. Aya nakupenda na roho yako yote. Dieu aussi t'aimera de tout ton cœur. Toi tu le refuses. Dieu aussi t'abandonne. Alors tu expliques. Tu t'as effacé à yote. Voyez bien mes frères. Non, non, compendo. Dans Romains 8. Mwarumi munane. Dans son verset 28 à 30. Mustari ya makumi mbili na munane. Nous savons du reste. Tunajua kwa ile na baki. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ya kwamba vitu vyote viko wako Dieu. De ceux qui sont ya appelés bizuri, selon son dessein. Ya bale benye kuitiwa kufatana na makusudi yake. Selon son plan. Kufatana na mapu yake. Car ceux qu'il a connus d'avance. Bale alitangulia kujua zamani. Il les a aussi prédestinés. Alitangulia tena na kubalika. À être semblable. Ya kuwa benye kufanana. À l'image de son fils. Na picha ya mwana wake. Afin que son fils soit le premier né. Ili mwana wake awe beaucoup de frères. Katikati ya banduku mingi. Et ceux qu'il a prédestinés. Il les a aussi appelés. Alibaita pia. Et ceux qu'il a appelés. Alibaita pia. Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés. Il les a aussi glorifiés. Alibatukuza pia. Voyez bien mes frères. Mais Alakin, Dieu Mungu, agit selon les conseils de sa volonté pour opérer sur cette terre et dans les hommes. Nandani ya watu. Notez encore cela. Mwandike ten. Écoutez, notez ceci. Mwandike hii. Notez ceci. Mwandike hii ni kunasema. Nous avons qu'un seul plan de la rédemption. Nous n'avons qu'un seul plan de la rédemption pour l'humanité. Que Dieu lui-même avait conçu depuis l'éternité. Tangia mule muumilele. Dans lequel se révèle deux groupes, deux parties. Deux groupes. Munaonekana makundi mbili ya watu. Important. Ni ya mafasa. dans le plan Mumapu unique que Dieu a conçu peke ya yele Mungu alitunga pour sauver toute l'humanité. Dieu a kokoa watu wote. Dans ce plan là muile mapu ya Mungu ile Dieu y révèle deux par deux groupes de gens. Mungu anafunua kundi mbili ya watu. Premièrement, kwanza, il y a le salut d'Israël. Muko okovu ya Israeli. Le plan du salut d'Israël. Mapu ya okovu ya Israeli est révélé dans les 70 semaines de Daniel. Inafunuliwa mumajuma makumi saba ya Danieli. Que nous pouvons lire dans Daniel 9. Il est tunaweza kusoma mu Danieli sura 9. Dans le verset 24. Mustari yake makumi mbili na ine. En d'autres termes. Mukusema kwingine. Le plan unique que Dieu a conçu pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. Mapu peke yayo ile Mungu alitunga juu ya wokovu ya watu. Il a divisé en deux. Aligawanya vipande mbili. Il a séparé l'humanité en deux groupes. Aligawanya watu mu makundi mbili. Il a formé le plan du salut pour Israël. Alitunga mapu ya wokovu juu ya Israeli. Et ce plan est révélé dans les 70 semaines de Daniel. Na ile mapu inafunuliwa mu majuma makumi saba ya Danieli. Que nous lisons dans Daniel 9, verset 24. Il est tout à somme mon Danieli sura 9 mustari makumi mbili na ile. Et dans le plan du salut d'Israël. Na mu mapu ya okovu ya Israeli. Dieu sauve Israël comme une nation. Mungu eko na okoa Israeli sawa taifa yote mzima. Il sauve Israël comme un pays. Eko na okoa Israeli sawa inchi mzima. Le salut d'Israël. Okovu ya Israeli. Est collectif. Ni ya batu bote katika wingi. Mais maintenant le deuxième plan. Sasa, du salut. Mapu ya pili ya okovu. C'est pour les nations. Le salut pour les nations. Okovu ya batu ya mataifa. Le salut pour les nations. Okovu ya batu ya mataifa. Est révélé. Inafunuliwa. Dans les sept âges de l'église. Mu vizazi saba ya kanisa. Que nous lisons. Ile tukunasoma. Dans Apocalypse chapitre 1. Ufunuo sura ya kwanza. Chapitre 2. Sura ya pili. Et chapitre 3. Sura ya tatu ya ufunuo. Et dans le salut des nations, ndani ya wokovu ya watu ya mataifa, dans ce plan, mui mapu, Dieu sauve des individus kuna wokoa watu binafsi, selon la foi individuelle. Kufuatana na imani ya kila mtu binafsi. Pendant les sept ans de l'église, kadiri ya vizazi saba ya kanisa, dans lequel Dieu contient le salut des nations. Mule Mungu anafunua mapu ya ba mataifa. Dieu sauve l'humanité. Mungu eko na okoa watu. Par la foi individuelle. Kupitia imani ya kila mtu binafsi. Il ne le fait pas comme avec Israël. Asifanye sawa pamoja na Israeli hapana. Pour Israël. Kwa Israeli yeye. Le salut okovu est collectif. Bote, Dieu sauve Israël comme une nation, une famille. Israël, mais pour nous, les gens des nations, notre salut se trouve dans les états de l'église et le salut est basé sur la foi personnelle Lulu dans l'œuvre du calvaire. Imani ya kila mtu binafsi ku kazi ya msalaba ya Calvario. L'église est avec moi. Kanisa munafuata. Namna Mungu eko naokola Israël. La manière dont Dieu sauve Israël. Inachana namna Mungu eko naokola bantu wa mataifa. Ça se diffère de la manière dont Dieu sauve les gens des nations. Israël. Israeli. Mungu eko na mokola sawa taifa. Dieu les sauve en tant qu'une nation. Sawa jama. En tant qu'une famille entière. Beko na imani. Ils ont la foi. Ya kinkunji. Collective. Imani ya jama. La foi familiale. Imani ya inchi. La foi d'un pays tout entier. Na ile mbapo ya kokola Israël. Dans ce plan là de sauver Israël. Mungu alifununa. Dieu l'a révélé. Mou Daniel chapitre 24. Daniel sura makumi. Et puis chapitre 9 verset 24. Daniel sura ine makumi. Daniel 9. Daniel sura. Verset 24. Tisa musara makumi. Jomule ambao. Muko okovu. C'est là qui a les saluts. Ya Israël. D'Israël. Joko amana. C'est pourquoi. Lorsque vous lisez les 70 de Daniel, en commençant cet enseignement, il dit que les 70 de Daniel ne concernent pas les nations. C'est une simple connaissance que Dieu nous donne à nous comme son épouse. Parce que l'épouse doit avoir la révélation de toutes choses. Comme nous sommes les enfants d'Abraham. Avant que Dieu n'ait brûlé Sodome, il s'est tenu à côté d'Abraham. Il s'est dit, cacherai-je Abraham? C'est que moi je vais faire à Sodome. Parce qu'Abraham sera certainement une grande nation. Dieu, à cause de son amour, de notre position d'épouse, il est obligé de nous révéler toutes choses. C'est vrai, frère. C'est ici où les témoins de Jéhovah, les adventistes et tous les sabbatiques ont commis une erreur. Parce qu'ils n'ont pas compris ça. Vous voyez. Dieu sauve Israël. Mungu yuko na ukoa Israeli. Comme une nation. Sawa taifa yote mzima. Et leur plan? Na mapu yabo. Est renfermé. Inatungwa. Dans les 70 semaines de Daniel. Mumajuma makumi saba. Mais pour nous les nations. Kwetu sisi ba mataifa. Notre salut. Ukovu yetu. Est renfermé. Inapatikana. Dans les sept de l'église. Muma bizazi saba ya kanisa. Ile tunapata. Apocalypse chapitre 1. Ufuno, Apocalypse chapitre 2. Ufuno, Apocalypse chapitre 3. Ufuno sura 3. Vous voyez. Munaona. Notez encore cinquième chose. Muandike tena kitu ya tano. Notez cela pour terminer. Oui, indique Dieu a kumaliza. Du numéro 1 de la pensée de Dieu. Tangia namba ya kwanza ya mawazo ya Mungu. Du numéro 1. Tangia le wa namba ya kwanza. Jusqu'au numéro 15, le libre arbitre, selon na kunamba ya 15 uhuru ya kuchagua ya mtu. Toutes les choses que nous avons énumérées aujourd'hui. Ni vitu vyote tunamitaia leo. Et c'est caché en Dieu depuis l'éternité et n'était connu de personne. C'était des secrets. C'était des mystères. Aucun homme ne pouvait savoir. C'était des projets que Dieu lui-même avait conçu et arrêté pour le salut de l'homme. Pour terminer. Toutes ces choses que nous avons énumérées, tous ces 15 points, kuanzia ku mawazo ya Mungu, en commençant par la pensée de Dieu, na kufika kuhuru ya kuchakula kwa mundu, jusqu'au libre arbitre de l'homme, hivi vitu vyote tunemutaia hivi, toutes ces choses que nous vous avons énumérées, ndani ya roho ya Mungu, dans la pensée de Dieu, depuis Mungu akingari umilele akingari Elohim. Depuis que Dieu était dans l'éternité. Aya tant qu'Elohim il n'avait pas encore créé quoi que ce soit. C'était seulement sa pensée à lui. C'est vrai frère. Ndionduku. Mwile wakati ilikuwa ni masiri. C'était des mystères, des secrets. Na ma projet. Ila ambao aliweza ambao kutunga. Il avait conçu. Na hakuna mtu hata moya. Hata nabii. Même un prophète. Aliwezi kujua. Personne ne le connaissait. Ibitu biote Mungu. Toutes ces choses que Dieu. Alibitunga mbu milele. Avait conçu dans l'éternité. Ye peke. Lui seul. Namna kana taokola mtu. Comment est-ce qu'il sauverait l'homme? Wakati atakuya ndani ya dunia. Lorsqu'il viendra dans ce monde. Dans 1 Corinthiens chapitre 2. Moi Corinto je termine par cette écriture. Ta ici a pas yandiko. 1 Corinthiens chapitre 2, Wakorinto wa kwanza sura ya pili, verset 6 à 10. Mustari ya sita kum... Cependant, suivez très bien avant de terminer. Diapo. Cependant, Diapo. C'est une sagesse ni ekima, que nous prêchons parmi les parfaits. Il est tukuna ubiri katikati ya watu wa kamilifu. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ekima yasipo kwa ya ikizazi. Ni des chefs de ce siècle. Wala ya bakubo ya ikizazi. Qui vont être réduits à l'impuissance. Bale bote batateketezwa. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Tukuna ubiri ekima ya Mungu. Mystérieuse. Ya siri. Et cachée. Na yenye kufichwa. Que Dieu. Ile Mungu. Avant les siècles avait prédestiné pour notre gloire. C'était conçu pour notre gloire. C'est vrai. C'est vrai. C'était conçu pour notre gloire. Verset 8. Sagesse. Qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connu. Alijua. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, alakini, comme il est écrit, paka vile meandikwa, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, ekuone, que l'oreille n'a point entendu. Et qu'ils ne sont point montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ces choses. Où est-ce que vous les avez tirés? Sorti de la Bible. Et c'est sorti du message. Ça vient du message, ça vient de la Bible. Mais tous les jours, tu ne recevras rien. Si tu viens à l'église, moi je suis là, je suis là. Nous allons prendre 15 points du Akuisemezeya. Mais toutes ces choses ici, Mungu, Dieu Aribitunga, les a conçues. Il les a conçues. Aribitunga, c'est pour toi. Ni Dieu akoe, c'est pour moi. Ni Dieu c'est pour ta gloire. C'est pour ma gloire. C'est pour ta vie. C'est pour ma vie. C'est pour ta bénédiction. C'est pour ma bénédiction. C'est pour ta joie. C'est pour ma joie. Na Dieu afura yangu. L'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu. Unaona vile Biblia inasema? Voyez ce que dit la Bible. Il les a révélés à ceux qui l'aiment. Wa bale ye Mungu. Ou bale ye anapenda. À ceux que Dieu aime. C'est quoi bale ambao anachukia? C'est-à-dire, il y a ceux que Dieu bale n'aime mundu, pas. Bale Mungu anachukia. Ceux que Dieu n'aime pas. Ni bapere. Ce sont baboka. Ni ba fainéants. Ba si pour faire kitu. Voyez. Munaona. Les fainéants. Ba vivu. Les pere. Ba boka. Voyez. Munaona. Les poltrons. Ba zaifu. Voyez. Munaona. Dieu n'a rien à faire avec eux. Mungu ana nabo kia kufanya. Mais nous. Alakini sisi. Qui avons la qui prenons la décision. Nenye kuchugua impango. Comme celle de Ruth. Sawa ile ya Luta. Nous sommes aimés du Seigneur. Tuku benye kupendwa na Bwana. Dieu aime les zéros. Mungu anapenda se distingue. Benye kujiachanisha. Par leur exploit. Kupitia maajabu yabo. Par leur courage. Kupitia udari yabo. Mambo ya Mungu. dans la parole de Dieu, déjà révélé. Soyez courageux. Soyez violents pour atteindre l'objectif pour lequel Dieu t'avait élu. Et bon, nous pour la prière. Dieu n'aime pas les lâches. Mungu apenda ke Dieu est les lâches. Vivu. Dieu est les peureux, les craintifs, les poltrons. Dieu est les fainéants. Les gens qui évitent de fournir un effort pour atteindre un objectif. Des paresseux. Des gens qui ne veulent pas travailler. Dieu ne les aime pas. Prions. Tuombe. Seigneur, merci. Tu es Dieu et tu es amour. Ton amour est tellement grand.